Ja, aj, ja, aj. Jeg er jo Emil Dosin, for de pager din som en skjedesvan. Og Emil Dosin, for de pager din som en skjedesvan. En 2012, il faut les pendre ou les empêcher de se vendre. En 2012, il faut les pendre ou les empêcher de se vendre. Yeah, yeah, yeah. Yeah, en deux mais tout se tâchait depuis des mois comme une mélodie. Tout sort rabais depuis que l'État est une parodie. Rentre dans le show, pas de cerveau pour de la politique. Comme au théâtre, une comédie dramatique. Et tout dans l'image, le paraître en est le maître. Un coup de rage, la France a mal, un coup de maître. Derrière l'écran t'es beau mais tu as beau faire le grand. Je ne suis pas haut mais grâce à lui je deviens grand. T'as le sourire à éclair avec la taille d'un Bonaparte. Et puis la dégaine de ma mère quand je suis né avec des spasmes. La gueule fondue, les traits tirés comme Al Capone. Comme si t'as eu la théorie du four et de la pomme. Tu ressembles à rien et t'as la gueule qui part en couille. Un Picasso juste dans la forme, pas quand on fouille. Roi du mensonge qui a des milliers de costumes. Comment ça se passe être schizo, comment t'assure. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre. Comme un coup de gueule au milieu de la gueule. Comme un coup de pelle que tu t'équennes dans la cervelle. Véloce en plus, il est nerveux sans les réponses. Donc les écrits c'est plus facile pour les défenses. Ce gros bâtard fournit du taf à tous ses potes. Trafiquant d'armes ou de médocs suivant les pokes. Toujours en cote avec l'extrême, j'aime pas les normes. J'écoute Mahmoud et ses paroles avant que je dorme. Il n'y a plus de politique, juste un théâtre et des acteurs. Il n'y a plus de répartie, juste un bon cadre et un prompteur. Il n'a plus le droit d'être lui-même dans sa vraie vie. Donc il t'encule et part devant, il te sourit. Il donne son accord à la presse et donne notre honneur aux US. Dans le secret risque la tôle, il vend nos vies pour son business. Il traîne avec des gens qui n'ont pas de couilles et n'ont pas d'âme. Donc t'étends pas si ce robot pour nous condamne. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre. En 2012, il faut les vendre ou les empêcher de se vendre.